Chapitre 5e, la neige. À 7 heures, les voyageurs aériens firent de nouveau un emprunt à leurs provisions. Puis l'ingénieur en plaça sans patience au volant. Il tenait à faire le premier quart de nuit et devait réveiller son ami à 1 heure du matin. Il estimait alors la distance parcourue à 2500 km, près de la moitié de l'immense trajet. Sans le dire, son patience était brisée de fatigue. Il s'endormit donc tout de suite, après s'être arrangé du mieux qu'il pouvait du siège inconfortable qui lui servait de couche. Quand, à 1 heure du matin, l'ingénieur l'éveilla, il se sentait plus dispos, quoique un peu courbaturé. Sur le conseil de son ami, il se fit chauffer une tasse de café sur un fourneau improvisé qui n'était autre que le moteur, et l'absorption du liquide brûlant le réveilla tout à fait. Puis il prit le volant, pendant que l'ingénieur, écrasé de fatigue, lui aussi s'installait pour dormir. Le reste de la nuit s'écoula ainsi, lente et monotone. Il sembla sans patience que le vent était diminué et qu'il faisait moins froid. De fait, le thermomètre ne marquait que 4 degrés au-dessous de zéro. Au ciel, il ne voyait plus d'étoiles. Le temps devait être couvert. Le moteur ronflait toujours régulièrement et son ronronnement puissant et doux semblait avoir l'harmonie d'une chanson. Deux ou trois fois, sans patience crut voir sous lui, ou à quelque distance, de minces lumières errantes qui devaient être les feux de position de navire. Et seul dans la nuit, il songeait avec de temps à autre un coup d'œil machinal sur les instruments. Son rêve allait loin derrière lui, vers ce Paris dont des milliers de kilomètres le séparaient déjà, et où, angoissé, attendait une jeune fille simple et belle dont il avait entraîné le frère dans une redoutable aventure. « Comme elle me maudirait, pensait-il, si nous succombions tous les deux. » Mais il rejetait vite les funèbres pronostics. Plus de la moitié du chemin était faite, pourquoi n'arriverait-on pas? Lente, les heures s'écoulèrent ainsi. Puis, comme derrière eux l'eau blanchissait dans un ciel de brume, l'ingénieur s'éveilla. Tout de suite il regarda le ciel, qu'il vit gris et couvert, puis le thermomètre qui marquait 2 degrés au-dessous de zéro, et ses sourcils eurent une imperceptible contraction. Pourtant il ne dit rien. « Bien dormi ?» interrogea sans patience, réconforté de ne plus se sentir seul. « Très bien, » répondit l'ingénieur. « Une tasse de café, hein ?» La boisson brûlante fut ingurgitée avec délice, puis l'ingénieur prit place au volant, pendant que son compagnon se détirait et se dégourdissait les jambes sur l'étroite plateforme. Cette obligation où l'on était de rester immobile dans un étroit espace devenait à la longue un véritable supplice. L'ingénieur estima qu'on avait fait près de 4000 kilomètres. Il n'en restait donc de 1300 à 1500. Et dire que nous devrions être en vue de New York, si cette panne absurde ne nous avait pas fait perdre 12 heures. « Bon, » dit sans patience, « le plus fort est fait. » L'ingénieur secoua la tête. « Nous n'y sommes pas encore, » répondit-il. Sans patience remarqua son air préoccupé, il demanda. « Vous craignez quelque chose? Une panne, une tempête ?» « Autre chose, mais je puis me tromper. Attendons. » 1 heure s'écoula ainsi. Le ciel, de nuageux, était devenu uniformément gris. Le vent semblait presque tomber, car les flots moutonnaient à peine. On sentait que sur l'océan ce devait être le calme. Sous eux, un vapeur passa, se dirigeant vers l'ouest. Vers 8h30, quelques flocons blancs commencèrent à descendre lentement du ciel livide, à peine oblique. Puis ils se multiplièrent, et bientôt les aviateurs semblèrent voler au milieu d'un horizon strié de blancheur. « Voilà ce que je craignais, » dit l'ingénieur. « Vous avez dû, sans vous en apercevoir, dérailler pendant la nuit, et vous élever au nord 1 ou 2 degrés. Il est rare que la neige tombe au-dessus de l'océan, sous la latitude que nous devrions avoir atteinte. Mais alors, le continent serait plus rapproché de nous, évidemment, mais la neige va nous arrêter. » Et comme sans patience le regardait avec étonnement. « Vous allez comprendre, » continua l'ingénieur. « Imaginez que cette neige tombe des heures et des heures, ce qui est possible. Elle va s'accumuler sous nos ailes et nous surcharger de telle sorte que nous ne pourrons plus tenir l'air. » Sans patience poussa une exclamation, il venait de comprendre. « Car nos ailes représentent, ne l'oubliez pas, près de 75 mètres carrés de superficie. Mettez 10 kilos de neige par mètre. Cela nous fait une surcharge totale de plus de 700 kilos. Or, tant en essence qu'en huile, nous nous sommes allégés d'environ 500 kg depuis le départ. Il resterait donc 200 kg de surcharge, sous laquelle notre appareil ne serait absolument pas maniable. Et vous pensez vraiment que nous avons déraillé vers le nord, comme vous dites ? C'est presque certain. Nous devrions être en ce moment dans les environs du 41e degré ou 42e degré de latitude nord. Et comme je vous le disais, sous cette latitude et à cet endroit de l'océan, les chutes de neige sont rares. Tout me donne à penser qu'en ce moment nous sommes bien plus haut vers le nord. Est-ce votre faute? Est-ce la mienne? Voilà ce que nous ne pouvons savoir. Dans tous les cas, le résultat est le même. Peut-être, en obliquant vers le sud, aurions-nous chance d'arriver en des parages où la neige ne tombe pas? Peut-être. Mais en ce cas, nous augmentons, ne l'oubliez pas, la distance qui nous sépare du continent, ainsi que vous pouvez le voir par la configuration de la carte. Alors? Alors, mon avis est de piquer à tout risque, droit sur l'ouest, tout en augmentant la vitesse afin de faire le plus de chemin possible, tant que nous pourrons tenir l'air. Remarquez du reste que la neige peut cesser de tomber, c'est une chance à courir. Décidément, conclut sans patience, tout est imprévu dans ce nouveau mode de locomotion. Jamais je ne me serais douté que notre appareil que j'ai vu braver la tempête pouvait être réduit à l'impuissance du fait de ce poétique météore qu'est la neige. Il y a bien d'autres choses, mon cher, dont vous ne vous seriez jamais douté, dit l'ingénieur, raillant à froid. Ce qui faillit déchaîner l'humeur redoutable de sans patience, lequel n'avait pas encore eu de crise depuis la veille. C'est ce que fit remarquer l'ingénieur. Pour peu que vous passiez encore 15 jours dans les airs, conclut-il sérieusement, vous arriveriez sans peine à atteindre ce résultat auquel vous semblez aspirer avec tant d'ardeur. Je me demande pourquoi, par exemple. Car pour ma part, depuis que je n'entends plus vos hurlements périodiques, il me semble qu'il me manque quelque chose. Sans patience ne répondit pas. Il paraissait remuer des pensées confuses et absorbantes. Peut-être songeait-il que tout le monde pouvait ne pas être de l'avis de son ami. À 11 heures, la neige tombait toujours, droite et drue. L'aéroplane semblait voler dans une mer de ouates. Visiblement, l'appareil était déjà surchargé, car il était descendu insensiblement de 300 à 150 mètres, attitude où il ne se maintenait plus qu'avec peine. Tout ce qui restait d'essence fut versé dans le réservoir et les bidons vides jetés à la mer en guise de lest. Le moteur, à sa vitesse maxima, continuait à tourner avec une admirable régularité et sans patience félicita une fois de plus son créateur. Quel autre moteur, en effet, eût pu résister avec autant d'aisance à une aussi formidable épreuve? On déjeuna, puis, sans patience, voulut remplacer son ami au volant. Mais celui-ci, par prudence, préféra continuer à piloter l'appareil. « L'aéroplane est déjà énormément surchargée, expliqua-t-il, et j'ai besoin de toute mon expérience et de toute mon attention pour pouvoir le maintenir. Tant que nous pourrons voler encore, il vaut mieux que je reste au volant. » Quelque temps encore, les navigateurs aériens progressèrent dans l'immensité laiteuse. La neige tombait toujours. Vers 1 heure, l'appareil ne se maintenait plus qu'avec peine à 50 mètres de hauteur, et l'ingénieur se décida à arrêter. Il eût été imprudent de poursuivre dans ces conditions. L'aéroplane surchargée devait énormément fatiguer, et déjà sa vitesse diminuait. De plus, puisqu'il fallait toujours s'arrêter, mieux valait le faire plus tôt que plus tard. L'ingénieur en expliqua la raison à son compagnon. Les flotteurs avaient été calculés et établis pour pouvoir supporter un poids maximum de 1200 kg. Or, si ce maximum, du fait de la surcharge de neige, était dépassé de 300 ou 400 kg, ce qu'on ne pouvait évaluer, ces flotteurs seraient submergés et l'appareil s'enfoncerait dans l'eau de façon anormale. Mais le moteur se trouvant à une distance assez courte au-dessus des flotteurs, il fallait éviter avant tout le brusque contact d'un liquide glacé avec cette masse métallique portée à une température de plusieurs centaines de degrés, car il s'ensuivrait une brusque contraction du métal qui mettrait fatalement le moteur hors d'usage. « Peut-être, ajouta l'ingénieur avec inquiétude en coupant l'allumage, peut-être avons-nous déjà trop tardé. » Il manœuvra pour descendre le plus lentement possible, usant sa vitesse restante en décrivant de larges spirales, pour éviter autant que possible qu'au premier contact, l'impulsion de la vitesse s'ajoutât à la masse, ce qui aurait pour effet d'augmenter la profondeur du plongeon initial. Il réussit à se poser doucement sur l'eau et eut la satisfaction de constater qu'il existait encore une vingtaine de centimètres entre la surface liquide et le soubassement du moteur. « Maintenant, dit-il, tandis que l'aéroplane courait encore doucement sur son air, comme un bateau qui vient d'arrêter ses hélices, maintenant il s'agit d'aviser. Il nous reste approximativement 900 km à faire, peut-être au moins, peut-être plus. Mais la neige tombe toujours. Et pour peu qu'elle tombe encore quelques heures, son poids va nous envoyer inévitablement par le fond. Que faut-il faire ?